Music, music, c'est l'art, c'est la musique, musique, c'est l'art, c'est la musique. Thank you. Watching me too, Norton. Now I

skyscraper. I love you. I love you. Thank you. the shining night of never-ending dreams. The shining night of never-ending dreams.